Gwegwe, salut à toutes et tous, salut à toi auditeur ou auditrice qui nous écoute sur CKUT ou sur le web, salut à toute l'équipe d'En Profondeur et salut Christian. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur la lancée entamée lors de ma chronique d'avril et puis essayer d'achever sur ce que j'avais à dire des traités au soi-disant Canada-Québec. Vous vous souvenez probablement que le mois dernier, je vous parlais de ce qu'étaient les traités autochtones et de la manière dont ils avaient été utilisés à la fois par les nations autochtones et par les nations coloniales depuis les premiers contacts jusqu'à la création de la Confédération, dont nous célébrons l'anniversaire cette année, même si, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à célébrer là-dedans, si vous voulez mon avis. Même si vous ne le voulez pas, bah tiens, je vous le donne quand même. Donc, pour reprendre, à partir de la Confédération, donc de 1867, la colonisation des territoires qui vont devenir ce qu'on va appeler le Canada va s'accélérer. Le pouvoir en place, qui se considère avant tout en fait comme britannique d'Amérique du Nord, notamment sous la direction du premier ministre en fait, John Macdonald. Donc ce pouvoir canadien-là va tenter de construire un rêve blanc, en fait. Ce qui va animer l'identité canadienne jusque dans les années 70, et puis encore après, on pourrait dire, mais en tout cas, au moins dans le discours politique officiel jusque dans les années 70, c'est faire du Canada un territoire pour une nation non seulement britannique, mais blanche, surtout. On sait par exemple que Macdonald était un suprémaciste blanc, donc en fait il croyait à la supériorité intellectuelle, morale et physique de la race blanche. Donc pour atteindre cet objectif, le pouvoir canadien va vouloir faire deux choses simultanément. D'abord, conquérir tout le nord du territoire américain pour rejoindre un océan à l'autre. Puis d'ailleurs, c'est toujours la devise canadienne. Et deuxième objectif, effacer toute trace de population non blanche sur cet immense territoire. Et surtout, il va vouloir faire ça rapidement. Donc pour faire ça, les dirigeants canadiens vont utiliser principalement quatre moyens: le chemin de fer, la police, l'assimilation et les traités. Comme ma chronique dure juste une quinzaine de minutes, j'ai pas le temps de parler d'autre chose que des traités. Si les autres sujets vous intéressent, auditeurs, auditrices, je vous invite à m'en faire part sur la page de soit Unsettling Babtou ou la page de Ni Québec ni Canada, pour que je puisse prévoir en fait une prochaine chronique qui traite de ces sujets sur lesquels d'ailleurs il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, pour revenir à nos moutons, pour s'emparer des territoires, un des moyens utilisés par les dirigeants canadiens va être donc de signer des traités. Dans la suite de la Confédération, il y en a 11 qui vont être signés. Ce sont les traités qu'on appelle les traités numérotés et qui vont être signés sur une période de 50 ans, en fait, entre 1871 et 1921. Mais si on regarde précisément les dates des différents traités, on voit qu'ils n'ont pas été signés à des distances égales dans le temps sur cette période de 50 ans. Hein, puisque les 7 premiers, par exemple, sont tous signés en l'espace de 6 ans. Et puis vous en avez trois autres, vous avez une période de 20 ans où il ne se passe rien, puis vous en avez trois autres qui sont signés entre 1899 et 1906, et puis vous avez une période encore de 15 ans, et enfin vous avez un dernier traité qui est signé en 1921. Et on voit, quand on regarde ces traités, que non seulement ils n'ont pas été signés à des périodes égales dans le temps, mais en plus, si on regarde les cartes de ces traités, on voit qu'ils suivent de très près en fait l'expansion européenne au Canada. Concerne principalement des territoires sur lesquels au début doit passer le transcanadien pour accélérer la conquête de l'Ouest, donc des territoires qui vont être dans ce qu'on a appelé par la suite le Manitoba, le Saskatchewan ou l'Alberta. Et puis, une fois que le train atteint l'Ouest, là, on commence à signer des traités dans le Nord, notamment le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. D'ailleurs, à propos de la colonisation de l'Ouest, on voit avec la colonisation du BC qu'il n'y a aucun traité qui a été signé là-bas, mis à part une toute petite partie de l'île de Vancouver lors d'un traité plus ancien. Donc techniquement, vous avez 90, un peu plus de 90% du BC qui n'a jamais été cédé. En parallèle de ces traités-là, les politiques assimilationnistes auxquelles je faisais allusion vont s'accélérer aussi. Et quand les signatures de traités vont ralentir à partir du tournant du siècle, les politiques assimilationnistes, elles vont être renforcées. Dans les périodes de 20 ans là, que j'ai mentionnées, pendant lesquelles on n'a pas de traités qui sont signés, les politiques assimilationnistes vont être renforcées. Par exemple, les pensionnats vont être rendus obligatoires alors qu'ils ne l'étaient pas nécessairement auparavant. On va aussi se mettre à interdire des activités traditionnelles comme le potlatch dans l'Ouest ou la danse du soleil dans les prairies. Et puis, on va aussi interdire aux communautés autochtones d'engager des avocats pour pouvoir contester les lois canadiennes. Et cette situation-là, elle ne va pas changer jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc on avance un petit peu dans le temps, on arrive aux années 50. Donc la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Le monde occidental est choqué par ce qu'on appelle alors la barbarie nazie. Cette barbarie nazie, en fait, quand on regarde bien, ce sont des méthodes que l'Europe avait appliquées aux peuples non européens qu'elle avait colonisés. Mais pour la première fois de son histoire, ces méthodes-là sont appliquées aux peuples européens. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Comme c'est notamment Aimé Césaire qui l'écrit à l'époque, il a une très belle citation que je vais vous lire. Je cite « Lorsque Hitler a vociféré pour la première fois ses abominations sur la race supérieure, les peuples d'Europe ont pu être étonnés. Nous autres, peuples coloniaux, nous l'avons été fort peu, car nous avions déjà entendu ce langage-là, non par la bouche d'Hitler, mais de la bouche de nos maîtres, de celle des grands colonisateurs. Peut-être la grande originalité d'Hitler a-t-elle été simplement d'appliquer aux peuples européens les méthodes coloniales que l'Europe avait jusqu'ici, sans sourciller, appliquées pour son plus grand profit aux nations non européennes. » Fin de la citation. C'est beau, hein? Bon, en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme commence donc à être mal vu. Hein. Par exemple, l'ONU va être créée avec pour objectif d'assurer la paix dans le monde et en fait en parallèle de mettre fin au colonialisme qui est jugé par l'ONU comme étant contraire à l'idée de paix dans le monde. Bon, on sait que ça n'a pas marché aussi bien qu'on aurait pu l'espérer, mais dans tous les cas, donc, ce genre de choses comme le colonialisme va devenir impopulaire. Et donc, pour éviter de passer pour les méchants après s'être targués d'avoir gagné la guerre, certains pays comme les États-Unis ou le Canada vont revoir petit à petit leur stratégie en ce qui concerne les peuples qu'ils ont eux-mêmes colonisés. Au Canada, par exemple, ça va passer par l'attribution du droit de vote aux autochtones. Bon, ça arrive 50 ans après l'accession au droit de vote par les femmes. Petite précision. Et ça va passer aussi par la proposition d'une politique générale assimilationniste, mais qui est présentée à l'époque comme une politique d'émancipation. Hein, cette politique, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le livre blanc de Pierre Elliott Trudeau, donc le père en fait de notre actuel Premier ministre, et il propose donc son livre blanc en 1969. Son but, dit très clairement, est d'éliminer tous les traités et d'abolir le statut indien. En fait, de faire en sorte que tous les autochtones du Canada deviennent juste des Canadiens. En fait, qu'on supprime toute référence aux Premières Nations. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu nous dis que les traités, c'est de la marde, puis quand tu nous parles d'une proposition d'abolir les traités, tu nous dis aussi que c'est de la marde, enfin, faut choisir. Bon, ok. Donc, très clairement, dire que les traités, c'est de la marde parce que ça a été utilisé pour acquérir de manière frauduleuse les terres autochtones, c'est une chose. Hein, ça signifie que quand vous faites partie d'une première nation qui n'a pas signé de traité et qui veut acquérir une autonomie plus grande, signer un traité, c'est pas franchement la meilleure solution. Maintenant, imaginez. Vous avez une personne qui vous fait signer un traité parce que ça l'arrange et que le traité en tant que tel, il vous donne des miettes et il lui donne, lui, la grosse part du gâteau. Bon. Vous êtes dans la marde, votre population est en déclin, elle est malade ou elle est en prison et vous cherchez un moyen, n'importe lequel, pour avoir un peu de répit. Donc, vous signez le traité parce que vous vous dites, bon, au moins avec ça, on va pouvoir avoir la paix quelques années. Bon, vous vous apercevez rapidement que vous faites fourrer, mais en même temps, ben, comme c'est un peu tout ce qui vous reste, vous construisez une identité autour de ce traité en se disant, bon, ben, on va essayer de faire appliquer les belles promesses que la personne qui nous l'a fait signer y avait inclus, parce que nous, on a respecté notre partie du traité. Donc, bon. Mais quand la personne en question revient vers vous 50 ans plus tard pour vous dire, bah, tu sais, là, le traité, celui que j'ai respecté juste les bouts qui me convenaient, bah, en fait, je voudrais l'annuler. Bah, tu dis quoi, toi, là-dedans? Bah, quand vous faites un pacte avec quelqu'un, que vous respectez votre partie du pacte à vous et que ça vous en coûte, généralement, vous n'allez pas accepter que la personne en face se barre sans avoir respecté ses conditions à elle. Bah, là, c'est pareil. Du coup, en 1969, la population autochtone canadienne, elle dit non au livre blanc. Sa réponse, c'est de dire le statut autochtone, c'est pas bézèfle, là, c'est pas le paradis, mais au moins ça reconnaît que on n'est pas comme les autres, que nous autochtones, nous, moi je ne le suis pas, mais enfin c'est ce que disent les autochtones à l'époque, nous on a un lien au territoire qui prédate celui de tous les colons qui se sont installés ici, et que donc on a des droits qui nous sont propres. Donc l'identité autochtone, elle est non négociable, c'est une identité collective. Les autochtones ne sont pas juste des individus, ce sont des membres de communautés qui sont liés à des territoires depuis des milliers d'années. Donc, en gros, la politique de Pierre-Elliott Trudeau fait un gros flop, mais vous pensez bien que le gouvernement fédéral n'allait pas en rester là. Hein? Son but, au départ, c'était d'effacer la trace des autochtones en effaçant leurs droits, parce qu'évidemment, quand vous effacez les marqueurs que sont les traités ou le statut, ben, vous effacez les éléments sur lesquels sont fondés les droits autochtones dans le droit colonial. Donc face à la résidence autochtone, le cabinet du Premier ministre se dit, bon, on a peut-être essayé d'aller un peu vite, mais peut-être qu'au lieu de faire une seule loi d'un seul coup, on devrait faire la même chose, mais en étalant les provisions de cette loi sur 10, 15, 20, 30 ans. Hein? Après tout, Rome s'est pas bâtie en un jour, et puis tant qu'on arrive à faire disparaître les autochtones, que ce soit dans un an ou dans 50, le résultat sera le même au final. Et ça, ce que je viens de vous dire là, je l'invente pas. Hein, ça fait partie de communications ministérielles qui sont avérées entre, à l'époque, le sous-ministre aux Affaires indiennes, qui s'appelle David Munro, et Jean Chrétien et Pierre-Elliott Trudeau. Puis d'ailleurs, la même idée, en fait, le même principe sera détaillé quelques années plus tard dans un rapport qui a été très important à l'époque, qui s'appelait le rapport Nielsen. Et qui est un document sur lequel va beaucoup s'appuyer le gouvernement de Brian Mulroney en 1984. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent et qui ont vécu cette période-là, vous vous souviendrez sans doute que le mandat de Brian Mulroney n'a pas été un mandat particulièrement positif en ce qui concerne les discussions autour de la politique autochtone. En tout cas, le Canada va mettre sur pied, donc, trois moyens pour atteindre cet objectif sur le long terme d'extinction des droits autochtones. Un premier moyen, ça va être de réduire les budgets fédéraux alloués aux Premières Nations. Bon, c'est le cas aujourd'hui, hein, encore on le sait, on a une situation de sous-financement pour les infrastructures et les projets autochtones. Ça, c'est le premier moyen que va utiliser le gouvernement fédéral. Deuxième, ça va être de transférer des responsabilités fédérales en matière autochtone aux provinces, au travers d'ententes de cogestion spéciale entre les provinces et certaines communautés. Et le troisième moyen, qui est celui qui nous concerne aujourd'hui, qui est la mise sur pied d'un processus d'entente globale. Ce qu'on appelle les ententes globales, en fait, ce sont les traités modernes. On les appelle comme ça parce que par rapport aux traités traditionnels, les ententes globales sont des textes beaucoup plus consistants. Hein, parce que traditionnellement, dans les anciens traités, il y avait généralement peu de détails. Hein, on mentionnait la communauté, on mentionnait la grandeur du territoire qui était cédé, et puis généralement ce que les communautés recevaient en échange. Mais dans une entente globale, on ajoute un principe. Dans l'entente globale, on doit mentionner tous les droits de la communauté ou de la nation. Et tout ce qui n'est pas inclus dans le traité est considéré comme n'existant pas ou n'existant plus. Pourquoi on introduit ce principe dans les ententes globales? Parce que rappelez-vous pourquoi le Canada cherche à signer des ententes globales. C'est pour réduire petit à petit les droits autochtones jusqu'à les faire disparaître. Aujourd'hui, les nations qui ont signé des traités anciens, donc au 19e siècle, ont encore la possibilité d'aller en cour pour dire nous avons des droits, ces droits ils sont sous-entendus par les traités qu'on a signés avec le Canada il y a 50, 70 ou 100 ans. Et généralement, les cours de justice, et notamment la Cour suprême, finissent par reconnaître ces droits comme existants. Donc pour éviter que ce genre de situation se reproduise, le Canada a inclus dans les ententes globales le principe que tout ce qui n'est pas inscrit dans l'entente n'existe pas. Ce qui veut dire que signer une entente globale aujourd'hui, signer un traité moderne, ça signifie qu'une fois que le traité est signé, bah tu fermes ta gueule. Le Canada présente ça comme un principe de sécurité. Officiellement, c'est comme ça qu'il l'appelle. Mais la sécurité là-dedans, il faut comprendre qu'elle est uniquement pour le gouvernement fédéral. Hein? C'est la sécurité que les autochtones qui ont signé un traité ne pourront plus barrer la route au gouvernement. Donc on retrouve le vieux système. Le Canada cherche à signer des traités parce qu'il sait qu'au final, c'est juste lui qui va en bénéficier. Bon, écoutez, là j'arrive à la fin de ma chronique et je m'aperçois que j'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Donc ben, je finirai ça le mois prochain. En attendant, si vous êtes intéressé par la question de la politique d'extinction des droits et que vous lisez en anglais, je vous conseille très vivement de lire ce qu'un des spécialistes Ganyengeaga, donc Mohawk, de cette question, a à dire sur le sujet. Son nom, c'est Russell Diabo, Diabo, il vient de Ganawagé, et vous pouvez trouver la plupart de ses analyses sur Internet. Et bien sûr, n'oubliez pas de consulter la page de Ni Québec, ni Canada et de Unsettling Back To. On se voit le mois prochain. Merci d'être au rendez-vous. Niawan!